de Marvelicious où aujourd'hui je suis accompagné d'un beau gosse et d'une belle gosse. Voilà. on va commencer les dames d'abord, Laurent, je suis désolé. On va commencer par les dames. Ouais, d'accord. Alexandra, comment ça va, Alexandra? Bah écoute, ça va bien, toi? Ça va, ça va. Alors, juste, tu peux te présenter en quelques mots? Bah, je m'appelle Alexandra, j'aime bien Disney, les Marvel, les animés, voilà. Donc je suis là aujourd'hui pour parler de Moon Knight. Ok. Quel est ton super-héros Marvel préféré, d'ailleurs? C'est... Bonne question, mais comme ça... Réfléchis, alors. Tu répondras peut-être tout à l'heure. Ah, Laurent, vous ne voyez pas, mais Laurent, je le vois sur la caméra, il est en train de réfléchir, parce qu'il dit, moi aussi, il va me poser la question. comme ça, je pense à Hulk et Captain America. Ouais, voilà. Captain America, c'est le meilleur. C'est le meilleur avec Doctor Strange, tout le monde le sait. Et Laurent, bonjour Laurent, ça va? Bonjour, tout va bien. Très bien, très bien. Tu peux te présenter en quelques mots aussi? Bah écoute, je suis assez fan de Disney. J'ai une petite chaîne YouTube. Quoi, donc, qui va devenir très grande, t'inquiète pas. Ah, voilà. Et puis, je suis sur Instagram. Et donc, j'ai fait une story sur Moon Knight. Et du coup, bah, j'étais invité. Me voilà maintenant dans ce podcast. C'est ça. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas. C'est très gentil de ta part. Avec plaisir. Et comme Alexandra, ton super-héros Marvel préféré? Bah, c'est marrant parce que Captain America, pour moi, il a des belles valeurs. C'est... Ouais. C'est, j'aime beaucoup, quoi. C'est... Ouais. D'accord avec toi. Eh oui. C'est... non, mais dans ce cas-là, j'ai pas dit l'acteur. Il y a le bouclier juste derrière moi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah, c'est... Eh oui. Pas, mais on voit le bouclier. Hein. Donc, je raconte pas les histoires. Ah oui. Tu l'as eu à Disneyland Paris? Non, non, ça c'est une boutique sur Toulouse qui fait plein de choses comme ça. Parce qu'à Disneyland, ils le vendent à l'hôtel. Je crois qu'ils le vendent à l'hôtel, à l'hôtel New York. Enfin, ah ouais, ça même. Je savais pas. Je pense qu'ils le vendent, c'est à la boutique quand tu rentres à droite, à mon souvenir. Faudra regarder. Yeah. Et je crois qu'ils vendent une réplique. Ils vendent une réplique. Voilà. Alors, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. On va parler aujourd'hui de Moon Knight. Bonjour et bienvenue à Toujours Debout. J'ai des troubles du sommeil. J'arrive pas à distinguer mes rêves de la réalité. Bonjour et bienvenue à Toujours Debout. Bienvenue à Toujours Debout. Je crois que je deviens fou. Heureusement que t'es là, toi. Tu sers vraiment à rien, Stevie. C'est Steven. J'arrive pas à distinguer les rêves de la réalité. Merci, monsieur. J'ai perdu une lentille de contact. Bon courage. Merci. Oui. J'en reviens pas. T'es vivant? Qu'est-ce qui t'arrive, Marc? Pourquoi vous m'appelez Marc? Ça doit être pénible. Toutes ces voix dans ta tête. Il y a du désordre en toi. Abandonne-toi au chaos. Moon Knight qui est sorti la semaine dernière. Et généralement, je fais normalement à chaque fois des podcasts après plusieurs épisodes de chaque série. Alors, je devais faire déjà un épisode débrief sur Hawkeye, mais avec le boulot, pas eu le temps. Alors, le truc, il est préparé, mais j'ai jamais pu le faire à cause du boulot. Après, on devait faire Spider-Man No Way Home, Pareil, j'avais fait un débrief du film, j'avais tout préparé, pas pu le faire à cause du boulot. Là, il faut que je le fasse absolument Moon Knight, parce que bon, ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas enregistré. Donc Moon Knight, qui est un héros pas très connu. Alors, Laurent, tu le connaissais ce héros-là ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, non. Pourtant, quand j'étais gamin, j'en ai lu des bandes dessinées. Marvel, mais celui-là, non, ça m'est pas revenu. Alors, quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'y tiens. Eh ben, pas voilà, déçu. Quoi. Pas déçu du tout, ça va. Sur le héros, on verra après la série, mais sur le héros. Sur le héros, on peut. Moi, je pense que c'est trop tôt pour dire si je vais l'apprécier ou pas, quoi. Pour l'instant, je découvre. Je découvre. Ouais. Mais ouais, tu sais qu'il découvre. La plupart des personnes ne connaissent pas forcément Moon Knight, parce que c'est un héros qui, à la base, a été créé, alors je crois que c'est dans les années 70, et qui intervient généralement dans d'autres bandes dessinées, tu vois. Genre dans Civil War, il intervient dedans, c'est lorsque les super-héros sont en guerre entre eux, si je résume. En fait, il intervient dans différents épisodes et ouais. Il a quand même des comics qui lui sont consacrés, mais on peut le voir de temps en temps dans des comics, on va dire, qui réunissent plusieurs... qui fait des crossovers entre différents super-héros. Je crois que c'est 1975, oui. Sa première apparition. Oui, c'est ça. Ouais, je suis sûr que 1970, ça doit être ça. Tu es même certain que tu as raison. Alexandra, tu connaissais ce super-héros ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est une première découverte. Ta première découverte. Justement, qu'est-ce que tu trouves, Laurent, de premier abord, hein, sans rentrer dans la série, mais quand tu as vu, je suppose, le trailer, la bande-annonce, etc. Et qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu as vu Moon Knight dans cette bande-annonce-là ? Ça m'a intéressé, parce que moi, l'égyptologie, c'est quelque chose qui m'attire. Hein. Tu vois, quand je vais au Louvre, je peux y passer une journée dans le quartier égyptien. C'est quelque chose qui me passionne. Donc, un héros Marvel qui a un lien très fort avec l'histoire de l'Égypte, ouais, c'est quelque chose qui m'interpelle quand même. D'accord. C'est plutôt sur la découverte du personnage, quoi. Tu as, comme tu disais tout à l'heure, tu attends de découvrir le super-héros. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et j'ai dit, j'ai fait quelques petites recherches quand même, un petit peu. Ah oui, pour préparer le podcast. Un petit peu quand même. Mais alors, oui, je pense que ça va être intéressant, mais il faut attendre. Oui, on va en parler. Justement, on fera peut-être on en fera un deuxième et un troisième si tu veux, après le deuxième épisode si tu veux. Il n'y a pas de difficulté à ça. Alexandra, toi, quand tu as vu ce super-héros-là dans la bande-annonce, quelle a été ta première impression ? Alors déjà, il faut savoir que je n'ai pas vu la bande-annonce, c'est-à-dire que regarder. En fait, c'est tout simple, j'ai reçu un message de mon frère me disant « Regarde cette série, elle est très très bien ». Du coup, j'ai regardé. Cette série qui est consacrée à un super-héros, c'est pareil. C'est pas pareil. Cette série, il m'a dit « Regarde ça, c'est super bien, faut que tu regardes ». Et au final, j'ai pas été déçue. Je pense que la bande-annonce m'aurait happé quand même à regarder la série. Parce que déjà, j'aime beaucoup tout ce qui est lié aux dieux égyptiens. Oui, c'est vraiment ce qui en ressort, même dans les stories que j'ai pu voir sur Instagram. Beaucoup de gens étaient contents de manière générale disaient qu'ils avaient apprécié le fait que ça s'intéresse à l'égyptologie, tu vois, aux dieux égyptiens, etc. C'est l'impression que j'ai qu'il y a plus de hype à ce niveau-là que Thor, par exemple, avec Asgard, Odin, etc. Bon, on va dire la mythologie scandinave intéresse, tu vois, intéresse. Mais là, j'avais plus l'impression que c'était de la curiosité, non ? Non, Laurent ? Curieux plutôt, La mythologie d'Asgard, par exemple, ça m'intéresse aussi, quoi. C'est moins connu. L'Égypte, évidemment, les pyramides, tout ça, c'est imposant. Qui n'a jamais vu de pyramide où que tu habites sur la planète, tu as entendu parler de ces pyramides, de toute façon. Connu. Quoi. C'est pas la première fois aussi. Il faut savoir, c'est que les Marvel s'inspirent des dieux, puisqu'on disait tout à l'heure, il y avait les dieux nordiques. Avec Asgard, etc. Vous avez aussi les dieux grecs, parce qu'il y a Zeus aussi, qui est un héros Marvel. Donc c'est, on reste quand même dans, et vous avez maintenant les dieux égyptiens. Donc en fait, on a quand même une représentation qui se fait par Marvel de culture mythologique, voilà, suivant, suivant, on va dire les, enfin c'est plutôt dans l'Antiquité quoi. Quand on regarde, c'est, ouais. On reste dans l'Antiquité. Par exemple, c'est, ouais, les Éternels, oui aussi. Oui, c'est, oui, très, c'est très inspiré. Tu as vu le film? Oui. Tu as bien aimé, ça va? Énormément. Ouais. La musique est excellente. Si, y a... Ah, bah, ouais. Tout. Ouais. J'ai tout aimé. J'ai tout. Tout aimé. T'as raison. Ouais. Alors, juste pour débrief Moon Knight, pour que, bah, vu que vous ne connaissez pas tellement que ça, mais moi, bon, j'ai fait une petite. Je le connaissais un tout petit peu, mais moi, je le connaissais uniquement à travers des bouquins crossover. Donc, par exemple, Civil War que j'ai chez moi, je l'ai connu là-dedans, où il rejoignait Captain America, où des fois il était en solo, etc. Mais je ne connaissais pas à proprement parler. Alors, ce que vous avez, alors, si on prend personnage par personnage, ce que l'on voit, et vous direz ce que vous en pensez tout à l'heure, on voit Steve Grant, qui on va dire, pas responsable, mais qui vend des objets souvenirs dans un musée égyptien de Londres. Et on suit Steve Grant, qui mène sa vie un peu, on a l'impression qu'il est un peu solitaire, qui a une vie un petit peu curieuse et qui reste quand même attachant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics, c'est pas Steve Grant que l'on suit, c'est Mark Spector. C'est pas du tout. Là, vous avez vu, c'est on suit Steve Grant et en fait le personnage originel de Moon Knight, c'est Mark Spector et c'est celui que vous voyez à la fin, vous savez, dans les miroirs, qui dit laisse-moi ressortir, etc. Je vais nous sauver, etc. Ben le vrai personnage, le vrai Moon Knight, c'est celui-là, c'est Mark Spector, qui a, et vous avez deviné en regardant le film, un trouble de l'identité, qui joue du coup Steve Grant, mais il en a d'autres aussi, il a d'autres identités, un trouble dissociatif d'identité. C'est ça. Et en fait, il en a plusieurs, je crois qu'il en a 5. Je ne me trompe pas. Je crois qu'il en a même un trouble de personnalité où c'est carrément un chauffeur de taxi, je crois. Bref, il en a plusieurs. Et là, on n'en voit que deux. On voit Mark Spector et Steve Grant. Et on a cette impression-là, quand on est lecteur de comics, qu'en fait, ils ont axé sur Steve Grant, qui est normalement l'une des identités de Mark Spector. D'accord ? La façon dont c'est tourné. La question reste à savoir, est-ce que ce n'est pas le contraire, du coup, au final ? Est-ce que ce n'est pas Mark Spector qui a comme identité Steve Grant. Donc, c'est un épisode qui est un peu bizarre quand tu es lecteur. Il y a de quoi se perdre. Il y a quoi de se perdre. Alors, est-ce que tu as bien aimé, Laurent, la façon dont a été amené ce trouble de l'identité de Moon Knight? Oui, parce que dès le début, c'est assez bien tourné, quoi. Il y a des... Tu comprends vite que le gars il a un souci de personnalité, quoi, de psy, qu'on appelle ça schizophrénie. Voilà, merci. Et oui, c'est Alors, au début, il le présente pas trop comme ça. Au début, en fait, t'as l'impression que t'es un insomniaque, le gars, qui est un peu somnambule. Je sais pas si vous avez vu, mais genre, il met du sable autour de son lit. Oui, voilà. Au début, tu penses juste qu'il est somnambule et qu'il ne veut pas se lever pendant la nuit. Hein. Donc, ouais. Et il met du scotch aussi sur la porte. Mais ça, je trouve que c'est une technique pas ouf, le scotch sur la porte, parce qu'en soi, tu l'enlèves, tu le remets. Marc, c'est ce qu'il fait. Hein. Je pense qu'il l'enlève, il le remet. Puis, ça, on ne sait pas. On ne sait pas. S'il change de personnalité, l'autre personne ne sait pas pourquoi il y a du scotch sur la porte. Pas vraiment. Aussi, peut-être. On en parlera tout à l'heure, justement. À quel moment tu t'es dit il y a un problème? Parce que au tout début, on voit qu'on a l'impression qu'il y a des crises de somnambulisme. Mais à quel moment tu as vu qu'il y avait un problème de personnalité, Laurent? C'est quand il y avait des espèces de... Je saurais peut-être mal le réexpliquer, parce que je ne l'ai pas re-regardé depuis, mais des sauts temporels, quoi. Il y a des moments où il se trouve complètement ailleurs, quoi. C'est... Ouais, wow. Il se retrouve dans. Soit c'est dans l'esprit, ou soit c'est dans le vrai, quoi. Mais. Ouais. Ouais. Avec Sora, toi, à quel moment t'as vu qu'il y avait un trouble de personnalité? Pour moi, c'est au tout début, là. Déjà, le fait qu'il mette du sable autour de son lit, c'est questionnable. Donc, on se dit, juste, il se lève la nuit. Et c'est au moment où il parle avec sa collègue et qu'il se rappelle plus du tout de ce qu'ils ont convenu du rendez-vous. Et je me suis dit, là, on va avoir des troubles de mémoire quand même sur une nana qui a l'air de l'intéresser beaucoup. Il l'invite à un dîner. En plus, ça n'a pas l'air d'être une personnalité très extravertie où il va aller vers les gens. Il est assez solitaire, hein, Steve Grant, quand tu regardes. Ouais, voilà. Il s'en serait souvenu s'il l'avait invité à dîner. Et ça s'est confirmé, notamment au fait qu'il se pointe au rendez-vous 2 jours après. Et ça, je comprends tout à fait la réaction de la nana qui lui dit « Oublie mon numéro ». C'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Bah non, il y en a qui disent « Ah tiens, je laisse une deuxième chance, c'est pas grave ». Non, mais elle, non, c'est carrément. Ce qui était appréciable, je trouvais, et je rejoins Laurent, c'est qu'en fait, on a assez vite, rapidement vu les problèmes qu'il a d'identité. C'est alors qu'il va se coucher et il se réveille, il se retrouve dans un paysage alpin. Azoré, mais qu'est-ce que je fous là? Il se retrouve dans une ville avec des habitants qui ont l'air de vouer un culte à un dieu égyptien qu'on verra tout à l'heure, qui est représenté par un célèbre acteur qu'on verra tout à l'heure, qui joue un rôle d'un méchant. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est que il avait ce fameux scarabée dans la main. Et genre, il veut le scarabée, il fait, bah tiens, prends-le. Et c'est, tu vois, le corps voulait pas tellement le faire. Je sais pas si vous avez remarqué. Mmh. Il voulait pas tellement le faire. Et après, il y a une succession de Steve Grant, Blackout. Mmh. Steve Grant, Blackout. Et donc, une scène, alors, je sais pas vous si elle vous a fait rire, mais la scène où il se retrouve, il y a un mec qui monte dans le camion, il balance des pancakes ou des muffins, tu sais, casse-toi, en construisant son van. Et juste après, il se réveille. Et en fait, le mec a une balle entre les deux yeux. Je sais pas, il se retrouve avec un flingue dans la main. Et il y a un autre moment, il se retrouve en marche arrière. Il se demande ce qu'il fait là. Voilà. Donc effectivement, on a. Vous n'êtes pas curieux, c'est la question que je vous pose, Laurent. N'êtes-vous pas curieux de savoir, justement, est-ce que, à ton avis, Mark Spector sait qu'il a plusieurs identités? Parce que quand on regarde Steve Grant, on a cette impression-là où il pense être seulement un somnambule qui a des problèmes de santé du sommeil, on va dire ça. Parce que d'ailleurs, quand il se réveille à la fin, justement, comme tu disais, Alexandre, il se réveille 2 jours après, il dit « Ouf, c'est un rêve hein, », tu vois, ou un cauchemar plutôt. Est-ce que tu trouves que pour Mark Spector, on a cette idée que lui, il sait qu'il a un trouble de l'identité, alors qu'on a cette impression-là que Steve Grant n'a pas cette impression-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu aimes bien cette idée qu'il y en a un qui sait et pas l'autre? Bah écoute, j'ai pas perçu ça. J'ai perçu quand c'est Steve Grant, il s'attache, c'est lui, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas. C'est ça, il s'attache la nuit, donc il est conscient qu'il y a un souci, je pense. Après, j'ai pas perçu. J'ai pas fait attention, j'ai pas fait. Justement, regarde dans les miroirs à la fin, justement, Mark Spector lui dit mais laisse-moi gérer maintenant. Il y a un chacal qui te poursuit, laisse-moi gérer laisse-moi, on va dire, me réveiller un peu l'idée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Hein, d'ailleurs. Et c'est là on voit le costume de Moon Knight qui d'ailleurs tabasse le chacal. Oui, c'est un chacal. Oui, c'est un chacal hein, qui lui court après. Et on a cette impression-là, alors moi j'ai eu cette impression-là, que Mark Spector sait qu'il y a une identité, au moins il y a Steve Grant, mais la grosse question c'est est-ce qu'il y en a plusieurs autres? À ton avis, est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, sûrement. Oh, oui. Sûrement bah, en oh, tout cas, dans les comics, il y en a plusieurs. Alexandra, tu penses qu'il y en a d'autres? Alors, savoir que, je vais juste revenir sur ta question, est-ce que c'est Steve qui est l'autre ou est-ce que c'est Mark? Si tu connais un petit peu le TDI, c'est une pathologie qui existe réellement, des personnes qui ont un trouble dissociatif de l'identité. Et quand ça se réveille, tu ne te rends pas tout de suite compte de ce que c'est parce que tu penses juste avoir des troubles de la mémoire. Mmh. Et il faut, dans la vraie vie, pas dans les comics, hein, il faut un suivi pour le diagnostic. Oh, c'est dur ce mot. Diagnostiquer. Tu peux y arriver. Et je pense que la question n'est peut-être pas qui était là avant, entre guillemets. Est-ce que c'était toujours été Steve? Est-ce que Steve est arrivé après Mark? Est-ce que Mark était là depuis le début? Comment il est arrivé? Le but est de savoir que je pense que Steve a été l'hôte de sa vie et Mark a toujours été là. Après, il y a peut-être un lien avec le scarabée. Pour moi, c'est un lien avec ce scarabée-là. Alors, est-ce que le corps physique de Mark n'est peut-être pas mort quelque part ? Il avait le scarabée, il l'a lancé dans la nature, il s'est retrouvé chez Steve. On saura par la suite. Mais ça se trouve, Steve... Mais c'est vrai qu'on ne sait pas où est le scarabée, au final. On ne sait pas où il est. La dernière fois qu'on l'a vu, il était dans sa poche, entre guillemets. Mmh. Mais le truc, c'est que pour moi, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai ressenti, c'est que Steve, entre guillemets, il se réveille du jour au lendemain avec Mark en lui. Alors, est-ce que Mark était là depuis le début ou est-ce que, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit une sorte de dieu égyptien momifié qu'on voit de loin avec une tête de... Une sorte de corbeau. Mmh. Et est-ce que c'est pas parce que Mark était lié à cette tête de corbeau qui... Ah, j'aurais une réponse à te donner tout à l'heure à ce niveau-là. Alors, en voyant mais, est-ce que tu voudrais, toi, Laurent, apprendre plus sur Mark Spector au final, quand tu restes sur ce cliffhanger de fin ? Écoute, moi, Mark. Est-ce que tu sais qui est Mark Spector ? Non, tu sais pas ? Écoute, moi, j'ai fait des petites recherches. Et en fin de compte, j'ai appris que Mark. Il était laissé pour mort en Égypte. C'est ça. Près d'un temple mystique où se trouvait une idole, le dieu Khonsu. Et c'est celui qui a le Khonsu. Oh, alors, pour le prononcer, je crois qu'il y a divers. Il y a des. Oui, il y en a qui disent comment... qu'on dit Khonsu. Voilà. Moi, je le dis comme je le lis. Khonsu. Voilà, je ne suis pas égyptologue, hein, mais voilà, donc il l'aurait pactisé avec ce dieu-là. Je crois qu'on dit Khonsu ou Khonsu. Ouais. Je crois que le début, oui, c'est raison. Je crois que c'est plus comme ça. Ouais. Ouais. Bon, et alors du coup, tu vas le trouver intéressant avec tes recherches, tu as vu que c'était un mercenaire. Du coup, tu penses que Mark, c'est le vrai personnage, puisque c'est lui au début de l'histoire. Sauf que... Dans la façon où c'est tourné, j'ai l'impression que c'est Steve. Eh oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit au début, il y a de quoi s'y perdre. On ne sait plus. Ah ouais, y a quoi s'y perdre. On ne sait plus qui est qui dedans. C'est voulu, ce qui est voulu, je pense. C'est voulu, ouais, bien sûr. C'est voulu. Mais tu sais que dans les comics, c'est assez difficile à lire, justement, apparemment. C'est assez difficile à lire parce que tu parles d'un personnage à un autre et tu ne vois pas forcément. Et d'ailleurs, Khonsu, qui est le dieu de la lune et de la vengeance, ce qu'il faut savoir. Le dieu égyptien de la lune et de la vengeance. Et d'ailleurs, sa représentation, on l'a tous en tête, c'est une sorte de d'égyptien avec un cercle au-dessus de la tête, comme si c'était la lune. Alors, je sais pas si tu as déjà lu ça dans les bouquins et en fait c'est le dieu Khonsu, donc est le dieu Khonsu. Bref, on va dire voilà comme ça Khonsu, qui est donc le dieu de la lune et de la vengeance aussi. Et de la vengeance, voilà, il se venge. Ouais. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand on regarde la série, le dieu Khonsu n'intervient physiquement, on va dire, que quand il a possession de Mark Spector. Parce que quand il est, comment il s'appelle, Steve Grant, il apparaît, tu sais, en voix off. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Oui. Il apparaît en voix off. Où il apparaît dans sa véritable forme d'apparition, c'est-à-dire ce grand personnage avec, tu sais, la canne cette tête de corbeau géante. Oui, dans l'ascenseur, voilà. Là. Donc, en fait, voilà. Et en fait, on a cette impression-là que pour Mark Spector, il devient le chevalier blanc de la lune que l'on voit, avec l'uniforme, etc. Et pour Steve Grant, on n'a pas cette impression-là où il l'incarne, l'hôte. Steve Grant, on a cette impression-là où il apparaît sous sa forme, je pense, originelle, c'est-à-dire sous forme de bête ou d'oiseau. Voilà, je ne sais pas si vous n'avez pas fait trop gaffe, peut-être. Mais c'est un peu bizarre. Alors, la question se pose, est-ce qu'il va prendre le corps, entre guillemets, de Steve Grant ? Est-ce que Steve Grant va un peu bouger son cul, en fait ? Ça, c'est la grande question. À ton avis, est-ce qu'il va un peu se bouger, là ? Est-ce qu'il est un peu trouillard ? Moi, je pense qu'il a son utilité. Sinon, pourquoi Parce que d'ailleurs, pourquoi... je crois que Khonshu l'appelle l'autre débile ou un truc comme ça. Oui, oh non, mais... pas l'autre débile, c'est dans la voix off. Il dit oh non, pas lui, oui, appelle Marc oui, et tout. Mais c'est qui Marc? Non, je. Sinon, sinon, ils auraient dû faire directement un film avec Marc comme personnage principal, sans le trouble. Donc pour moi, s'il y a Steve, c'est qu'il aura son utilité dans la suite. Peut-être par rapport à ses connaissances sur l'Égypte. Peut-être c'est ça. Oui, c'est peut-être vrai. Aussi ça peut être sur le fait que il a d'autres personnalités qui sont utiles. Ça, voilà, on ne sait pas encore. Mais c'est vrai que Steve Grant a des grandes connaissances en Égypte, parce qu'en égyptologie, puisqu'il dit à un moment, il reprend sa bosse en disant les Néades qui sont neufs, l'un accède sur l'affiche et il la reprend à l'ordre d'ailleurs. Mmh. Ils ont, ouais. Puis il a dit je m'en fous, ça se vend. Les gens vont pas. Parce que... Donc Marc a son utilité sur, pour moi sur tout ce qui est baston, etc. Mais si demain il se retrouve en Égypte et qu'il va falloir étudier les trucs parce qu'il va falloir récupérer un autre scarabée, j'en sais rien, on va peut-être plutôt se tourner vers Tu crois vraiment qu'on va avoir beaucoup de bastons? Parce que moi, j'ai pas cette impression-là. Vu comment c'est tourné, j'ai pas l'impression qu'on verra beaucoup de bastons. Hein. Je pense pas non plus. Je pense qu'on va vraiment être fait en... Laurent, t'en penses quoi, toi? Tu penses qu'on va avoir de la bagarre? C'est qu'un premier épisode. Alors, je pense que le premier épisode, il est surtout là pour placer les personnages, nous faire découvrir l'univers. Les scènes de baston ont été coupées quelque part. Tu vois, à un moment, décor à terre, mais tu n'as pas vu les coups portés. Quoi. T'as beaucoup de. Comme ça. Il y a beaucoup de moments comme ça. Ça c'est peut-être un choix. Ça se trouve, au deuxième épisode, on verra Marc par rapport à l'épisode 1, tu vois. Peut-être que là, on avait vu l'épisode 1 que la Steve Grant, et peut-être qu'on verra Marc à l'épisode 2, en fait. Ce qui s'est passé pendant l'épisode 1, c'est possible. C'est la grande question. Comme tu dis, Laurent, on ne sait pas trop où ça va nous mener, en fait. Est-ce qu'on va rester avec des éléments où on doit imaginer, nous, ce qu'a fait Marc Spector, ou est-ce qu'on va avoir des moments où on va voir ce qui s'est passé, quoi. Enfin, voilà. On va parler aussi du méchant. Enfin, ça semble être le méchant. C'est Arthur Harrow, qui est un des méchants. C'est pas le méchant le plus connu de Moon Knight. Si t'as fait tes recherches, Laurent, t'as dû voir. C'est pas le plus connu. Et il est incarné par quel acteur, du coup? J'aime bien, moi. Quelque chose quand je l'ai vu. Peut-être dit quelque chose, j'espère que c'est Ethan Hawke. Ouais. C'est Ethan Hawke qui joue ce méchant. Ce méchant, alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Laurent, de ce méchant? Du moins, du rôle du méchant qu'on peut lui attribuer, parce qu'au final, il comporte un scarabée. Dans la mythologie, lui, c'est un espèce de passeur, il pèse les gens pour savoir s'ils ont le droit d'aller dans leur paradis, en fin de compte. Donc, est-ce que c'est un méchant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est dans son monde. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué de lui? J'espère qu'il y en a une qui t'a marqué quand même. Attention, vous, je transpire. Non, mais c'est vrai, t'as pas marqué. C'est tout début de la série quand tu la découvres. Oui. Quand il casse du verre et puis il met ses bouts de verre dans les chaussures, je dis waouh, celui-là, c'est un grand fanatique. C'est ça. Il fait pénitence, tu sais. Waouh. Alors, il voit un culte à un dieu égyptien. Qui est la... Alors, c'est une déesse, je crois. C'est la déesse Amit. C'est la déesse. C'est la dévoreuse des morts. Et pareil, en fait, l'image peut-être que tu peux avoir de ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle a un corps d'hippopotame, des pattes de lion, des pattes avant de lion et une tête de crocodile. Voilà. Et elle s'appelle la déesse. Alors, c'est Amit ou Amut. Voilà. C'est la dévoreuse des morts, et de ce qu'on sait, c'est elle qui permet en gros aux âmes d'aller dans le champ de Rodé Roseau pour se réincarner ou ressusciter dans le monde des morts. Et elle fait, alors, tu as une balance en tatouage, hein, Et en fait, l'idée, c'est qu'elle elle fait ce qu'on appelle la cérémonie de la pesée du cœur, où il met le cœur du mort et, sur un côté de la balance. Et de l'autre côté, la plume de Matt, M-A-A-T, c'est entre guillemets l'idée de la plume de la vérité, si je ne me trompe pas. Et si jamais ton cœur est plus lourd que la plume de Matt, tu ne mérites pas, du coup, de ressusciter dans le monde des morts. Et du coup, Amout, l'idée, c'est qu'elle dévore ton cœur. Et c'est pour ça qu'en fait, il a la balance de la justice en tatouage. Et tu la vois bouger, d'ailleurs. Hein, ouais. Tu la vois bouger quand il fait son petit cérémonial. Enfin, j'ai pas compris pourquoi il faisait avec la canne, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu, il met la canne qui bouge. Ouais, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour représenter quand elle faisait la pesée de cœur avec... C'est ça, il y a un mouvement de balancement. Ouais. Oui, voilà, pour faire le mouvement de balance, il ferait ça avec les mains, il serait un peu ridicule. Hein. Mmh. Ouais, il peut juste lui prendre les mains aussi, les poignets, et puis... tous les cas, voilà. Et donc, du coup, on a cet épisode-là où elle veut voir s'il y en a une qui veut voir si elle avait le cœur pur, et puis en fait, elle meurt sur suite, parce qu'en fait, elle meurt directement. Et alors, justement, là, c'est à votre avis, pourquoi ça ne marche pas avec Steve Grant? Justement, c'est intéressant, parce qu'il lui dit, il y a vachement de chaos en toi. Ça n'a pas marché avec Steve Grant. Moi, je pense que c'est pas une idée. De... Il y a trop de personnalités. Je crois que tu as raison. Il est perdu. Il est perdu. Je pense qu'il y a tellement de personnes dans sa tête que Amout, c'est pas lequel choisir. Lui, il y a le cornob, pas lui. Ouais, je pense que c'est pour ça que ça marche pas. Je pense que vu qu'il a plusieurs identités. Moi, tu vois, j'ai pas cette théorie-là. Alors, vas-y, c'est quoi? Pour moi, c'est plus le. Bon, on a bien compris que Mark et Steve sont liés à au dieu de la lune là, Kishun, machin. On a compris. Alors, Kishun. C'est Ronchou. Ça fait un peu japonais, je sais pas. Ronchou, vas-y. ça fait un plat japonais. Kishun, je prendrais deux Kishun. c'est plus ce que je veux dire, c'est bon, si. Eh bien, est-ce que c'est pas parce que justement il y a un dieu dans l'affaire? Parce qu'au final, un dieu, surtout le dieu de la vengeance, c'est peut-être pas celui qui a le cœur le plus pur. Hein. Et puis surtout, pour moi, vu qu'il y a un dieu dans l'affaire qui est lié à tout ça, puisqu'on entend sa voix en off, on le voit, etc. Est-ce qu'il bloque pas les pouvoirs d'Amit ou d'Amout, comme on dit, qui est que la dévoreuse de cœur, parce que sur, on va dire, si on devait faire une hiérarchie des dieux égyptiens, eh bien, Kishun, là, je suis jamais arrivée à le dire. Hein, Ronchou. C'est comme Rondoudou le Pokémon, mais à la place tu fais rond et après chou. Ok, donc Ronchou. eh bien, il fait quand même entre guillemets, il fait partie des trois dieux les plus importants à l'époque égyptienne. Oui, alors il faisait partie justement, on va en parler tout à l'heure. Il avait quand même son importance dans l'Énéade. J'en parlerai tout à l'heure. Je ne sais pas si Laurent a fait des recherches sur l'Énéade. Peut-être pas. Non, j'ai pas eu. Non, je t'expliquerai tout à l'heure. Bon, en même temps, le monde de Moon Knight est tellement inspiré par la mythologie égyptienne, c'est que tu en as partout. T'en as partout. Quand tu regardes, t'avais plein de références. La série, t'avais. Alors pour moi, par exemple, le sable autour du lit, moi, ça me faisait penser, c'est un sarcophage, tu sais, dans les pyramides. Enfin, peut-être pas à toi, mais ça me faisait penser à ça. Dans la, je sais pas si vous avez vu, mais dans l'aquarium où il y a le poisson, il y a, tu sais, il y a une sorte de kayak, de canoë, pardon, de canoë. Alors, si tu regardes une deuxième fois, Laurent ou Alexandra, vous verrez, dans l'aquarium, il y a une sorte de canoë qui fait penser au vieux canoë, justement, égyptien de l'époque antique, où justement, on pourrait penser que ça mène vers les gens, tu sais, vers les gens, comme tu vois dans les films. Ça me fait penser, par exemple, je sais pas si tu as joué au jeu Assassin's Creed Assassin's Creed. Je sais plus c'est quoi le nom. Où t'es en Égypte? Bah non. Oh, je sais plus. Origins. Et ben, en fait, du coup. Ils vont vers les champs de roseaux, en gros, un peu comme les histoires grecques, tu sais, où tu allais en enfer directement sur un canoë et tu traversais. C'est marrant parce que oui, pour traverser, enfin, généralement dans toutes les mythologies, pour traverser, pour passer d'un monde à l'autre, ça se passe sur l'eau. À chaque fois, c'est il faut, ça. Faut monter dans un bateau. Et c'est ça. Eh ben, je crois que c'est dans Hercule de Disney, tu vois ça. Non. Mais oui. Dans les bateaux de Disney, il y a Hercule, ben, je crois qu'on le voit. Je pense. Mais à mon souvenir, oui. Oui, même qu'il plonge, il plonge dans l'eau, le royaume des morts aussi. Oui, il plonge dans l'eau, ouais. Il plonge dans l'eau pour sauver Mégara. Ouais. On le spoil. Oh mon Dieu, on a aussi. Oula. Voilà. Mais bon, voilà. C'est, en tout cas, c'est curieux quand même, parce qu'on dirait un sorte de chef de culte. Parce que quand tu arrives dans l'hôtel, dans le musée, on a l'impression que c'est une secte, parce que même le gardien, il dit non, mais moi aussi je suis dans la secte, regarde, j'ai mon tatouage. Donc il se trouve un peu cerné, et c'est là où le chacal apparaît. Et à la fin, Mark Spector prend le contrôle. Mais du coup, vraiment, moi j'ai cette impression-là où quand c'est Mark Spector, Ronchou arrive, tu vois, dans l'uniforme que l'on voit. Mais quand c'est Steve Grant, il n'y a pas, tu vois. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais moi j'ai vraiment cette impression où en fait Ronchou est attaché à Mark Spector, mais pas forcément à Steve Grant. D'ailleurs, il le traite, je l'ai dit tout à l'heure, et je crois qu'il le traite de débile, où il dit ah ouais, pas l'autre débile, vas-y, rends-moi Mark. Il comprend pas trop ce qui se passe, tu vois. D'ailleurs, c'est avec le scarabée. D'ailleurs, où on voit ça, où on voit comment. Voilà. Autre chose, vous n'avez peut-être pas su, mais je peux vous dire. D'autres références à Moon Knight aux comics, alors, je ne sais pas avant. Steve Grant, vous savez, sous le toit, découvre derrière une brique un téléphone portable. Je ne sais pas, vous avez fait gaffe. Oui. Et justement, et c'est là où on dit, bah, tiens, Marc, je te cherchais, qu'est-ce que tu viens? Et puis il dit, mais c'est qui Marc? Voilà. Et en fait, sur le téléphone, tu as plusieurs numéros, donc c'est généralement Léla qui répond avec, à un moment donné, Duchamp. Et bien ça, ce sont des personnages du comics, des comics de Moonlight. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Duchamp, il est surnommé, c'est son vrai nom, c'est Jean-Paul Duchamp. Alors, c'est facile, Jean-Paul Duchamp, parce qu'en fait, il est français. Voilà. Il est surnommé. C'est un Frenchie. C'est un Frenchie, voilà. C'est un Frenchie qui faisait partie, en fait, de la Légion étrangère française et qui, dans les comics, est devenu un ami de Mark Spector. Voilà. Et d'ailleurs, il aide beaucoup Mark Spector et du coup Ronchou dans ses aventures. Et Léla, il semblerait que ce soit une autre personnage de comics, mais dans les comics, elle n'aurait. Alors, je le dis au conditionnel, ce serait Marlène Alroun, elle s'appellerait. Et en fait, Marlène, c'est la chérie, entre guillemets, si je résume. En gros, mais vraiment vulgairement, c'est la chérie de Mark Spector. Voilà, qui a été formée par Mark Spector, donc elle sait se battre. On va dire, c'est une bébé Black Widow, quoi. Voilà. Donc, d'accord. Et d'ailleurs, Marlène, Jean-Paul Duchamp, le Frenchie, et puis Mark Spector sont tout le temps, tous les trois, dans certains comics, à travailler ensemble pour venger, voilà, pour faire la mission de Mark Spector, de Moon Knight. Bref, dans tous les cas. Voilà pour le tour des personnages principaux. Est-ce qu'il y a des personnages que vous avez, par exemple Laurent, où tu as apprécié voir là dans la série? Ouais. Bah écoute, par rapport à ce que, à moins que tu penses que j'ai fait le tour pour toi et que les autres c'est des personnages de seconde zone qu'on ne reverra pas. Non, je pense que là on a fait le tour des personnages principaux. Ce que je sais moi, c'est que Duchamp, je pense qu'il aura un rôle très important. Parce qu'il aide énormément Moon Knight, parce qu'il est pilote d'hélicoptère. Et je crois qu'il y a un vaisseau, il va faire un vaisseau pour lui aussi, quelque chose comme ça. D'accord. Quelque chose d'assez performant. Il y en a qui disent que c'est que Jean-Paul Duchamp n'est seulement que on va dire un Easter egg et qu'on le verra pas en fait. Mais après on va voir, hein, on ne sait pas. Parce que comme tu dis, après cet épisode-là, on veut voir le 2, absolument, mais on a du mal à voir où on va aller, quoi. Voilà. Ouais. C'est exactement. Mais c'est vrai que ça se trouve, on le verra jamais. Oui, ça se trouve, on le verra jamais. Hein, ça se trouve. C'est juste un easter egg. Mais voilà. Ils ont quand même fait l'effort de mettre le détail dans le téléphone, donc quand même. Après, c'est pas pour rien. Ils ont l'habitude de faire ce genre de référence. Aussi. C'est pour nous. C'est pour qu'on se pose des questions. C'est ça. Mais ils aiment bien chez Marvel qu'on se fasse des théories. C'est leur truc. Alexandra, est-ce qu'il y a un personnage qui t'a plu Non, au moins qu'on a fait le tour des personnages. Moi, vite fait, celle qui m'a plu, je pense pas qu'on la reverra, mais c'est la gérante du. Elle est insupportable. Elle est insupportable, mais. Non, mais genre la punition. Ah ouais, bah, tu feras l'inventaire. Oh merde. Mais j'ai bien aimé comment il l'a rembarré quand on est sur la fin de l'épisode et qu'il se fait entourer de toute la secte dans le musée. Et qu'elle lui dit n'importe les cartons, je sais plus trop quoi. Alors que lui, il veut juste le Z, et puis qu'il lui fait non, tu attends. Ouais, et j'étais là, c'est bien. Au final, à ce moment-là, je me dis ah, ok, donc c'est quelqu'un de réservé qui prend tout sur lui, mais qui est capable quand même de mettre stop dans des situations comme ça, quoi. Qui se laisse pas totalement marcher dessus non plus. Mais, je suis d'accord. Moi, je l'ai vu comme un moment de progression. Peut-être qu'il commence à prendre confiance en lui et. Bah, justement, et stop, peut-être que Ronchou va arriver, quoi. Peut-être que Ronchou va voir. Peut-être. Que c'est pas tellement un débile et que. Ouais. Peut-être que c'est pas forcément un débile, comme il dit, et puis voilà, quoi. Et peut-être qu'il apparaîtra plus sous sa forme, on va dire d'animaux, comme on voit, cosmique, je sais pas si on peut dire ça. Mais peut-être qu'il apparaîtra vraiment comme il prend possession de Mars Spector. Peut-être qu'il fera la même chose. Parce qu'il aura la même tenue, ça, on sait pas. Mais... Il semblerait que non, parce que si on regarde les affiches de Moon Knight, il aurait d'autres tenues. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il a une tenue, on aurait dit, où il est en costard. Je ne sais pas si vous regardez les affiches. Alors, ouais. Est-ce que ça, voudrait dire avec que... Avec un masque en tissu blanc, là. Ouais. C'est ça. Alors, est-ce que ça, ça serait plutôt quand Khonshu, il prend possession de Steve Grant, tu sais, c'est pas... On va voir. À voir. Voilà. Alors, juste, parce que j'y ai pensé... À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on a, il se réveille sur un, il se réveille dans un paysage alpin. Pour vous, c'est quoi ce scarabée ? Parce qu'il est tout petit, il tient dans la main. Ah, je sais plus. Tu sais... Bah, je sais pas trop ce qu'il représente, mais je sais que dans la mythologie grecque, le scarabée c'est important, mais je sais plus ce que ça. Alors dans l'Égypte antique, le scarabée. C'est un bijou en fait qui est fait pour les pharaons et dans le côté dans le verso on va dire dans le côté plat en fait dedans on commémore un événement important du pharaon. D'accord. C'est un bijou en fait dans l'Égypte antique et c'est ce qu'on appelle un scarabée commémoratif parce que en bas du scarabée sur le côté plat on décrit un événement important du pharaon. C'est un bijou qu'on offre au pharaon. Et à votre avis qu'est-ce que c'est justement? Parce que quand même, il a tué des gens pour ça. Je vais laisser Laurent répondre en premier. Vas-y Laurent, débrouille-toi avec ça. Parce que moi, ça va être très vite fait. J'ai pas. En tout cas, dans l'Égypte antique, c'est vu comme un bijou. Est-ce que pour toi, c'est un bijou dans la série? Je pense pas. Ou un artefact, tu vois, avec un pouvoir. Ou... Ouais, plus quelque chose comme ça. C'est dans l'esprit Marvel. Hein. C'est... Un peu comme, tu sais, est-ce que tu le vois comme un artefact, tu sais, un peu comme Shang-Chi, tu sais, comme les 10 anneaux. Ou les Tesseracts, un truc comme ça. Ouais, les Tesseracts. Ouais. Tu le vois plus comme un artefact, du coup. Alexandra, toi. Ouais. Alors, avant de me renseigner, juste en regardant l'épisode, je me suis dit, c'est un truc relié au dieu. Et à mon avis, parce que moi j'ai l'impression que le désir de la secte, c'est de faire revenir Amit à la vie et qu'elle soit sur Terre et qu'elle puisse peser le cœur de tout le monde. Moi quand je la verrais comme genre une sorte de purge mondiale. Qu'il le dit dans le musée que Amit entre guillemets, elle en a eu marre de peser les cœurs au moment de ton purgatoire. Et que maintenant, elle veut peser les cœurs tout de suite, grosso modo, dès que tu nais, parce qu'elle sait par avance tout ce que tu vas faire. Donc, ça serait dans l'idée de purger toutes les personnes malveillantes. C'est genre une purge préventive, tu sais. C'est ça. C'est genre, on va lire. C'est un peu Minority Report, non ? C'est Minority Report qui fait ça. C'est Minority Report, justement, où ils le font, où en fait, ils savent les crimes qui sont réalisés juste avant. L'agence des pré-crimes, ouais. C'est ça. Il y a aussi un animé qui parle de ça. D'accord. C'est quoi comme animé? Psychopass, ah, sur Netflix, ça. Oui, il est sur Netflix. J'avais fait la saison 1 et en effet, c'est à peu près dans le même délire. Dans le même délire. Et donc, du coup, ce que j'ai pensé, c'est qu'à mon avis, je me suis dit, si Amit arrive à avoir ce scarabée, c'est peut-être un portail pour la faire venir, décupler son pouvoir, j'en sais rien, enfin, pour que ce soit aussi important. Et que le méchant le veut à ce point-là, c'est que c'est lié à son délire de balance. Sinon, si c'est juste pour le poser sur ta commode, ça sert à rien. Et sinon, là, en lisant un peu l'histoire du dieu de la lune, voilà. Ronchon. De Ronchon, merci. De Ronchon, eh bien, de ce que j'ai vu, il était. Est-ce que j'ai compris, hein? Il était, en gros, il assistait les pharaons dans leur règne. À ce que j'ai compris, il faisait ça. Avant d'être, ça, je dois avoir la page ouverte là. Et tu crois que Amit Tu crois, tiens Laurent, question, tu crois que Ronchou serait, enfin du moins aurait pour Némésis Amit? Parce que c'est quand même deux choses différentes, tu vois. Parce que Ronchou, c'est dieu de la lune, donc on pense à la nuit, etc., dieu de la vengeance. Et elle, c'est Amut, c'est plutôt la déesse, justement, du jugement dernier, si je peux me permettre l'expression. Tu vois, c'est pas pareil. Normalement, ce serait dieu du soleil, tu vois. C'est pas en soleil. Soleil. Amun, c'est le père de Khonshu. Khonshu, t'es sûr? Je suis pas sûr. Oui, si tu regardes la triade de Thébès, la triade de Thébès est un ensemble composé des trois dieux de la mythologie égyptienne adorés dans la ville antique de Thèbes. C'est Thèbes, c'est Thèbes. Pardon, Thèbes, ça me passe. Amun, Mut et Kishun. Donc Amun, époux de Mut et père de Kishun. Non, en fait, c'est Amut, c'est en un seul mot, Alexandre. Oui, Amun, oui. Je ne sais pas le dire. C'est dur, les noms égyptiens aussi. C'est Amut, c'est soit Amit à deuxième IT, soit Amut à deuxième OUT. Donc, non, c'est pas. Bon, Amun, le nom du soleil. Alors, oui, Ronchou, c'est le fils d'Amun et de Mut, mais pas d'Amut. Oui, ben, elle est. Mais ça se trouve, t'as raison. Ça se trouve, t'as raison. Ça se trouve, tu sais, ils ont fait ça. Tu sais, avec Marvel, des fois, tu sais, ils prennent les comics. Je sais pas. Hein, ils prennent les comics, puis après ils déforment justement pour pas que ce soit trop pareil. Justement, c'est ça qui est bien quand tu es amateur de comics, c'est que le MCU, c'est pas tellement les comics, c'est inspiré, mais c'est pas les comics. C'est très difficile de dire, enfin c'est même quasi impossible de dire, bah c'est pareil que les comics, ça ne l'est pas. Il y a toujours un truc en plus ou en moins. Par exemple là, Steve Grant, tu suis dans Steve Grant, et t'as l'impression que c'est lui le personnage principal entre guillemets. En fait. Dans les comics, c'est Mark Spector. Peut-être que plus tard, on verra que c'est Mark Spector. Mais en tout cas, comment on le présente, c'est plus Steve Grant. Tu vois. Donc. Mais du coup, si tu vas sur la page Wikipédia de Khonshu, eh bien, t'as une légende où en fait, il a assisté. Ça s'appelle la légende de Khonshu et la princesse Yati. Je sais pas comment le dire. Et de ce que j'ai compris, il est descendu pour. Pour aider le pharaon de l'époque pour ça. D'accord. Donc est-ce que okay, et vu que là, tu disais que c'est à l'arrière c'était un bijou avec un moment phare d'où la théorie que tu avais là, d'accord. Voilà, est-ce que c'est pas ça se trouve ça marque un moment phare, le pharaon il a buté tout son peuple et tout, ça se trouve il veut pas qu'il revienne, pour éviter. Je sais pas. Je le vois plus comme un artefact, moi, comme Laurent. Enfin, je le vois pas comme autre chose que ça. Voilà. En plus, voilà, c'est la mythologie égyptienne aussi, c'est l'Égypte antique. Donc, voilà. Alors, ce que vous savez, c'est que Khonshu, on parlait des Néades tout à l'heure. Donc, les Néades, pour en gros, c'est 9 divinités qui constituent un groupe. Alors, je ne dirai pas lesquelles, il faut les sur Internet, mais 9 divinités, ça, c'est les Néades. Alors, c'est E2N-E-A-D-E, les Néades. Donc, c'est 9 divinités qui sont réunies en groupe. Et en fait, chaque groupe, chaque divinité représente une force de l'univers. Donc, tu as la terre, le ciel, voilà, par exemple. Et sachez que tous les deux, c'est que dans les Marvel, dans les comics, il existe réellement les Néades, en fait. Ils sont vraiment dans les comics. Mais en me renseignant et en cherchant un peu, ils apparaissent justement. C'est un peu bizarre. On parlait tout à l'heure, tu sais, Laurent, de la mythologie égyptienne, mythologie nordique, etc. Eh bien, sache que la première fois que les Néades sont apparues, attends que je reprends, les Néades sont apparues, c'est dans des bouquins de Thor. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Hein et dans les Néades, dans les bouquins Marvel, dans les comics, eh bien, il y a Khonshu. Khonshu fait partie de l'Énéade, du groupe de 9 individus. Alors que dans la véritable mythologie, de ce que j'ai pu lire, dans la véritable mythologie égyptienne, il n'est pas dedans. De ce que j'ai pu comprendre, dans la véritable mythologie, il n'est pas dedans, égyptienne, mais il serait dans les Marvel, il aurait été, il fait partie des Néades. Et ce qu'il faut savoir, et on faisait un parallèle tout à l'heure avec les comics, avec les autres mythologies nordiques, les mythologies grecques, etc., eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les Néades vivaient dans une ville un peu comme Asgard, qui était un peu, tu sais, dans une dimension, on va dire, adjacente à la Terre, en fait, en gros. Ils étaient réunis dans dans ce panthéon-là qui était appelé Héliopolis. Tu vois. Donc, ouais. On a vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, les mythologies, en fait, à chacun a son panthéon, quoi. On pense à l'Olympe, du coup, pour la mythologie grec, on pense à Asgard pour la mythologie nordique. Ben là, pour la mythologie égyptienne, on est sur une ville qui s'appellerait Héliopolis. Et en fait, on a quand même, ce qu'il faut savoir, des éléments qui sont semblables à Asgard, comme on voit. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi Thor, pour ça qu'ils sont apparus dans Thor. C'est notamment, tu sais, il y a un pont doré, arc-en-ciel, c'est dans Thor. Oui. Ben apparemment, il y a ce même système-là, Héliopolis, qui pour réunir à la Terre, il y a une sorte de pont doré. Voilà, qu'ils appellent d'ailleurs la voie des dieux, qui permet justement d'aller, qui relie Héliopolis au plateau de Gizeh en Égypte, tu vois. Donc voilà. Alors on a cette impression-là en fait que pour Asgard, donc, ils peuvent aller n'importe où, et pour l'Égypte, pour Héliopolis, eh bien, apparemment ils pourraient aller qu'en Égypte, tout ce que j'ai compris. Voilà. Donc on est toujours dans cette univers céleste. Donc on a quand même, c'est plutôt sympathique, c'est-à-dire que on a carrément. L'Égypte antique. Comment ? Carrément, non, c'est vraiment très. Ouais. Et, c'est incroyable. C'est incroyable qu'il y ait des points communs comme ça. Oui. Après, la grande question que je me pose, alors dans le prochain Thor qui s'appelle Love and Thunder, qui sort en juillet, eh bien, on verra, bien, comme d'habitude, c'est un Thor, on verra la mythologie nordique, et il semblerait qu'on verra aussi Zeus. Et d'autres dieux de la mythologie grecque. Alors, je ne sais plus qui. C'est l'acteur qui joue Gladiator. Putain, il est tard. Hein. Comment il s'appelle ? Russell Crowe qui jouerait Zeus, apparemment. Voilà. Ah ouais. Et la question que je me pose, est-ce qu'on les verra aussi dans le MCU, tu vois ? Est-ce qu'on verra. Est-ce qu'on voit Khonshu, mais est-ce qu'on verra d'autres dieux qui font partie des Néades, tu vois ? Comme ça, on aurait. C'est un peu bizarre. Enfin, ça serait sympa. De voir carrément. Asgard, Olympe et puis Héliopolis. Voilà, ça serait plutôt pas mal. Laurent, tout à l'heure, on parlait. Alors, c'était en off, hein, je vous le dis. Parce qu'en fait, Laurent a une chaîne, il en parlera tout à l'heure, qui a axé sur la vidéo. Justement, j'ai posé une question, parce que tu aimes beaucoup la vidéo. Je t'avais posé une question, mais je vais te la reposer en direct. Est-ce que tu as bien aimé la façon dont a été tourné cet épisode ? Bah oui, bien sûr. C'est d'ailleurs même pour ceux qui l'ont tourné et qui l'ont monté, c'est sûrement un travail beaucoup plus important qu'un épisode normal, tellement il y a eu des plans de caméra. Pour multiplier les personnalités, ils ont multiplié les plans de caméra, ce qui donne vraiment l'impression de, à nous qui regardons l'épisode. D'avoir justement différentes plans de vue, différentes visions, ça accompagne le personnage. Et... ouais, moi j'ai bien aimé en tout cas. D'accord. Et ouais. Alexandra, tu as bien aimé donc toi comment ça a été filmé ? Oui, que je rejoins l'avis de Laurent, les plans de coupe montrent bien ce clivage entre Steve et Marc. Enfin, j'ai pas été perdue. Je trouve que ça a été suffisamment bien filmé pour qu'on comprenne. Steve laisse la place à Marc Et bah, notamment la scène là où il est, où il est, où il se réveille là dans il ne sait pas où là dans la prairie. Il se retrouve dans le village et il donne pas le scarabée. Il se fait entourer par les villageois. Et Oui, quand c'est il vrai. revient à lui, il a les mains Ils sont tous couvertes de KO. sang. Et en fait, le plan de coupe, à ce moment-là, était bien parce qu'on comprend que Steve est dans la mouise. Marc arrive à la rescousse et Steve revient. Et il ne sait pas ce qui s'est passé, même nous, on ne sait pas. On voit juste les conséquences de ce qui s'est passé. Et du Oui, coup, je c'est trouve que vrai. ça a été bien réalisé jusqu'à la toute fin où là, on voit Marc pour la première fois dans la tenue de Moonlight. Voilà. Moi, j'ai bien aimé comment ça a été filmé. Alors, mon petit Laurent, épisode réussi ou pas? Pour moi, oui. Oui, parce que c'est marrant ce que je vais dire. Vas-y, C'est tu peux tout que dire. y a un gros point d'interrogation et c'est ça qui me plaît, quoi. J'attends encore le prochain épisode pour répondre à toutes ces questions, justement. Ah justement, est-ce que tu crois réellement que... c'est la question que je te posais tout à l'heure. Est-ce que tu crois réellement que chaque épisode va répondre à un moment d'absence de Steve Grant? Tu vois, est-ce que l'épisode 2, ça va être Marc Spector pendant l'épisode 1? Etc. Bah, etc. non, je pense qu'ils vont dévoiler petit à petit. Après ça, c'est juste ma pensée. D'accord. Ouais. D'accord. Et du coup, tu valides le personnage et tu valides pour le moment la série. Ah oui, je vais la suivre. Mais il n'y a que Quel autre? six épisodes, hein. C'est vrai Ouais, il n'y a que que. 6, c'est court. Après, on aura Miss Marvel, je vois. Oui, Ouais. c'est certain. Donc, épisode validé. De ce que j'ai compris, t'as hâte de voir la suite. Alexandra, toi, alors du coup? Bah, je rejoins Laurent là-dessus, du fait qu'il y a cette interrogation tout le long de l'épisode. Bah, ça te donne envie de regarder la suite. Et pareil, je pense comme Laurent, en fait, je trouverais ça dommage que l'épisode 2 reviennent sur les trucs de l'épisode 1, ça traînerait en longueur. Alors que là, si en effet on apprend petit à petit qui est Marc, etc., comment ils vont cohabiter, comment ils vont sortir de ce pétrin. Déjà, je voudrais savoir comment le chacal il est arrivé, parce que c'est bien beau tout ça, on sait qu'il y a des dieux, mais comment il a invoqué un chacal, Ouais, le c'est vrai. méchant? C'est Déjà, vrai. j'aimerais bien. Si on se retrouve dans un monde où on peut faire venir des chacals de l'autre monde, bah, je n'irai pas être dans le coin, quoi. Ouais. Mais oui, ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas une série Alors, Marvel qui me hypait un donc, peu, et là. votre idée à tous les deux, si je résume, c'est vous attendez des futurs épisodes qu'on voit y cohabiter Marc Spector et Steve Grant. Qu'enfin Steve Grant, de ce que j'ai compris pour vous, il faut qu'il ait conscience qu'il a une double personnalité, peut-être triple, hein. Ça se trouve, il y en a d'autres qu'on va voir. Comme j'ai dit, il y en a plusieurs, hein, Ça se trouve, il a en les réalité. neuf. Et t'imagines, toi? Il a Bordel les là-dedans. Néas dans lui. Mais c'est un peu bizarre quand même qu'il y en a, ils disent qu'il n'y en a que 7, desquels, j'ai pas fait gaffe, faut regarder les deux qui manquent. Mais comment. Ça aurait pu s'intéresser à ça. Ça se trouve, les deux qui manquent, il les a en lui. Hein. Ça serait très Tu crois? rigolo. Et ils vont lui dire, ouais, j'étais pas sur l'affiche. Il n'y a pas que Ronchou en toi, il y en a un autre. Peut-être. Bon, ok. Bon, bah écoute, c'est validé. En tout cas, merci à tous les deux pour ce podcast qui est dédié à Moon Knight et puis au premier épisode. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le deuxième, on verra. Peut-être que la semaine prochaine ou peut-être dans 3 semaines. On verra bien. Mon petit Laurent, j'ai pour tradition à ce que tu présentes ton travail. Alors, juste avant qu'il présente son travail, Laurent est sur YouTube. Sur Cinématique DLP, et vous aurez le lien en description. Voilà. Merci. Laurent, peux-tu nous présenter ton travail, qui est de qualité, je répète. Oh ben écoute, je suis passionné par le parc Disneyland. C'est mon moteur. J'aime beaucoup aller là-bas. Alors, beaucoup aiment bien Disney. Ça peut être les films, ça peut être tout le merch, tout ça. Et moi, c'est le parc. C'est vraiment ça que j'aime. J'aime bien les filmer, rendre les choses, essayer de transmettre la sensation d'être présent. J'aime bien faire des vidéos immersives. La personne qui regarde n'a peut-être pas la chance de pouvoir y être aussi souvent. Donc, c'est le but de mes vidéos, c'est partager. Voilà, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand... Alors, tu es Passannuel. Oui. On est aussi avec Alexandra Passannuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un moment, Disneyland Paris, c'est quand il va, tous tes soucis, on pourra dire ce qu'on veut, c'est derrière. C'est... Enfin, je sais carrément. Pas ça, c'est... T'es dans un univers, et d'ailleurs, ouais. c'est l'objet de l'immersion du parc, c'est que t'y penses même pas, en fait. Donc, pour ceux qui veulent se détendre, qui veulent de l'immersion et laisser tous les soucis derrière, il faut aller à Disneyland Paris, ça fait du bien. T'en oublies que t'es à Paris. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. J'oublie que je suis à Paris, que je suis en France, que je suis dans un parc. Oui, c'est ça. Tu oublies tout. Tu vis le moment présent. Tu fais une parade, tu fais une attraction. Juste se promener, bouffer aussi, c'est pas mal aussi. Ça, c'est bien. C'est clair. On fait beaucoup ça. Des fois, d'être entouré de gens heureux aussi, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Ça fait du bien. Voilà, quoi. C'est ça. D'être bien entouré de personnes, c'est très agréable aussi. Merci en tout cas à tous les deux pour. J'espère que vous reviendrez. Je sais pas. Mais avec plaisir. Mais oui, Laurent, il va revenir et toi aussi. On devait avoir Eddy, mais Eddy, malheureusement, ne peut pas venir. Voilà, pour des raisons qui lui sont personnelles, mais il va revenir la prochaine fois, j'en suis sûr. Et on va avoir Benji 2, mais lui, c'est pire, c'est les problèmes d'internet. Donc, voilà, donc on verra. Enfin, c'est pire, non, c'est pas pire, mais c'est des problèmes internet. Voilà, merci à vous deux. Laurent, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est moi qui te remercie aussi. Ça fait plaisir. Bah, de rien. C'est mon premier podcast. Tu reviendras ou pas pour le prochain ? C'est ton premier. Ouais, dépucelage de Laurent. Écoute, Laurent, on a fait ça ensemble parce que si c'était mon premier. Voilà. Ce podcast est interdit au moins de 18. À quelle heure? Il est 22h, c'est bon. 22h ici, voilà, c'est bon. C'est bon. Les enfants sont. Voilà. Merci en tout cas. Ah, écoutez, je vous dirai quand c'est le deuxième. Si je vois ta story, Laurent, qui a bien aimé l'épisode 2. Peut-être qu'on en reparlera. D'ailleurs, ce sera intéressant d'en reparler d'ici une semaine ou deux, peut-être. Justement, la question que je posais tout à l'heure, c'est savoir est-ce que vous attendez après cette prise. Qu'est-ce que vous attendez après ces premiers épisodes-là? Ce premier épisode. J'ai pu comprendre que tous les deux, vous attendiez à voir plus de Mark Spector et de Steve Grant qui se rencontrent du trouble de l'identité dans lequel il est. J'ai bien compris que vous vouliez... Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de bagarres. Enfin, ça ne m'a pas l'air. Ça n'a pas l'air... On verra. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, mais ça n'a pas... Après, c'est possible. C'est possible, hein, mais ça n'a pas l'air... Ça a l'air plutôt psychologique. Plus que quand vous regardez pour ceux qui l'ont vu Captain Falcon et le soldat de l'hiver en série où là c'est de la bagarre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, là c'est plutôt psychologique à la WandaVision ou à la Loki. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve ici 2-3 semaines suivant l'envie de chacun. Merci à toi Laurent. On te retrouve sur Instagram, donc il y aura le lien. On te retrouve sur YouTube, je répète, chaîne de qualité, vidéo de qualité. D'ailleurs, tu filmes en 4K. J'essaye. Oui. Je sais pas, moi, c'est du 4K. Oui. Les spectacles sont en 4K. Après, quand c'est du vlog, c'est du 1080, mais tous les spectacles sont en 4K. C'est en 4K. Alexandra, toi, tu as une chaîne Instagram, mais c'est sur le cosplay. Donc, vous avez tout de l'animé. Surtout l'animé, surtout cadré animé en fait. Je vais pas tarder à mettre du Disney aussi, parce que j'étais pas allé à Disney depuis un petit temps, j'avais pas pris de nouvelles photos. Donc il faut que j'en ai un petit peu. Tu vas être un peu Disney. Vas-y, fais-toi plaisir. Merci en tout cas à tous les deux, et puis peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, on verra suivant l'envie de reparler. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.